de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Et voilà, on se retrouve pour Hind à Brezhoneg. C'est la leçon 533, Pemkan Triatregon, Nekeze. C'est ça, Henri? C'est ça, Mardi. Et on commence, Henri. Comme d'habitude, dans cette émission qui est en trois parties, la première partie, c'est Geriou Arvu et les mots de la vie. Un mot un peu particulier aujourd'hui. Un mot très courant, hein. Noun. Voilà, ça fait partie de la vie, ça. Oui, qui veut dire fin, quoi. Ouais. F-A-I-M. Hein. Voilà. Alors, on l'entend souvent, ami meus noun, hein. J'ai faim, meus que noun, j'ai pas faim, voilà. Et c'est un mot masculin, donc, qui est d'origine celtique, hein, et qu'on trouve aussi en cornique et en gallois, et même en gaélique, hein, une forme assez voisine. Donc voilà. Alors, comme je le disais, on l'entend très souvent, hein, aux alentours des heures des repas, hein, mimeuse non, ou bien musque non, mise au marg en non, hein, marg en grande non, hein, voilà. Et alors, ça s'écrit N-A-O-N. Alors, il y a des prononciations un peu variées selon les endroits. Hein. Ici, on dit noun, hein, très, très diphtongué. Hein. Et il ne faut pas confondre avec aun. Aun qui est la peur. Hein, et qui se prononce un petit peu de la même façon. D'ailleurs, il y a un dicton qui disait Ma peuse aun de God noun, ne chômé que rebelle ou rescan. Alors, si t'as peur d'avoir faim, tu resteras pas longtemps sur le banc. Sur le banc, ah bah ouais. Voilà, donc t'iras travailler, quoi. Ma pesante de gare non, de chômé que rebelle ou arrescan. Voilà. Alors, l'expression avoir faim se traduit de la même façon qu'en français, hein, cow down, hein, cow non. Je veux dire, donc avoir faim. Alors il y a des mots dérivés comme naunek par exemple, hein, affamé. Enfin qui a faim. Naunek c'est qui a faim et affamé ce serait mar naunek. D'accord. Mar naunek, hein, vraiment très très affamé quoi. Il s'écrit comment le mar dans ces cas-là? M A R. D'accord. Mar naunek. Hein. Voilà. Mar naunek, hein, je meurs de faim. Voilà. Noun, oui, je l'ai déjà dit. Ka noun rue. Alors, selon les personnes, la faim est noire ou rouge. Mais oui. Noun du, monsieur. Noun du, ya. Noun du ou noun rue. Les deux, il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Hein. Ça peut être la famine aussi, ça? Oui, noun du, oui. Oui, ça. Nandu. Oui, ça peut traduire la famine. Hein. Il y a une expression aussi qui est un jeu de mots, en fait, clève ou clair naunet, hein, entendre les cloches de Nantes. Parce que le mot qui désigne Nantes en breton, c'est naunet, qui ressemble à Nantes, mais c'est un hasard, hein, il n'y a pas de relation, non. Voilà, alors, terri naun, hein, casser sa faim. Hein, c'est assez employé, comme Terry Zerad, hein, casser sa soif aussi. Hein. Et on casse sa faim en cassant la croûte. Hein, voilà. Voilà. On va dire Thor Musmenon, hein, j'ai cassé ma faim. Il y avait un proverbe qui disait O hot as a yod de Greski, var a zog on a noun. En attendant l'herbe à pousser, les vaches meurent de faim. J'avais trouvé ça. Donc, « Ohot as a yot greskin, var zog on a noun ». J'avais trouvé ça dans un article de Martial Ménard, là, qui vient de disparaître, là, malheureusement, en 2007. Hein. Il y avait dans ces articles souvent des proverbes comme ça. Il y a toute une collection, quand même. Et là, ça veut dire quelque chose ou c'est juste au sens... Il y a le sens, c'est le sens figuré, quoi. Hein. Mais c'est quoi le sens figuré de ça? Je comprends pas. Le sens figuré, c'est que il faut faire quelque chose, quoi. Ah oui, il faut pas rester attendre. Pas rester attendre, parce que en attendant, on a le temps de mourir de faim. Donc il faut agir, en fait. C'est. Faut casser le fil du champ, là. Ouais. Voilà. Nounder, alors Nounder aussi, un mot masculin qui veut dire la famine. Hein. Voilà. Ah oui, il y a une expression aussi. Non, on a guéri l'obleille, hein, affamé comme un loup. Hein. Le loup est souvent bon affamé, hein, parce que il n'a pas toujours de quoi se mettre sous la dent. Non, on a guéri l'obleille. Hein. Et puis, pour terminer, une expression qui existe aussi en français. Chon me donne grand menante, je suis resté sur ma faim. Donc, quand on n'est pas rassasié, soit au sens réel ou au sens figuré, bien sûr. Chon me donne grand menante. On en reste là, Henri ? Ben, on va rester sur notre faim. Bon, allez, on passe à la seconde partie. C'est Brézonnec, temps ma tombe, dans un tout petit instant. Dans cette seconde partie, Brézonnec, temps ma tombe. Et cette fois, il me semble qu'on retourne à Zantoloc faire un petit tour. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas allé là-bas. Oui, ça fait un moment qu'on n'était pas allé. Alors là, il y a une veillée qui va être organisée, comme chaque année, pour le mercredi des cendres. Ils ont l'habitude d'organiser ça, le mercredi des cendres, le premier jour de carême. Et cette année, c'est le 1er mars. Donc, il y a une veillée ce soir-là à Zantoloc. Bon. Alors, donc, Chornic est allé voir Job, et l'instituteur en retraite, Job Nédélec. C'est lui qui organise. Et c'est son association, Bleu News Zantoloc, qui organise. On va les écouter. Salut Job, ma de jeu. Matré, Chornic, matré. L'arrêt d'Inta, Job. Clé, vêtements, vos gretteurs veillades, prestig, basantoloc. Ya, des mères reludues, vos grettes, velbéplor, veillades, basantoloc. A pu avoir droit. Alors, Gevridig, es bleu antoloc, et velkis accustum. A plaire, vos grettes, veillades. Un veillades, vos grettes, bâti, vont, je quoi, des vel juste. A pu vos pédettes. Comptez rien de Jobber Gwen, zon est rien de leur vreudeur et garate, qu'en est rien de fange las blei, à tudel, was. Digor voile l'heure. Ya, et vel custum. Hag un temps bouen à vous de chacal. Ya, au bon arzou, ben vous roue ten dut, zon jalran vous plus jadur, don de rit, chanik. Zurwa, manévique scorn war en un show. Ya, ma trezen vous. Et voilà, on va reprendre donc phrase à phrase ce petit dialogue d'hiver. Entre Chornic et Job Nédélec, ça se passe à Zantoloc, ce village particulier où tout le monde parle breton d'ailleurs. Oui, même les Anglais. Même les Anglais. Allez, salut Job, main de jeu. Oui, comment ça va bien ? Matré, Chornic, matré. Très bien, Chornic. L'arrêt d'Inta, Job. Clé vêtements, vos grès d'Arveillade, prestique, bas Zantoloc. Oui, dites-moi donc, Job, j'ai entendu qu'il y aurait une veillée bientôt à Zantoloc. Il y a Chornic. Des mères à Ludu. Avec Oui, le jour du mercredi des cendres, avec Red Bepla, Arveillade, Mazantolk. On fait chaque année une veillée à Santolk. À Pio Ravardro. Et qui s'en occupe à Oberwardro, c'est s'occuper d'eux. Hein. Argev Redigez, Bleunioz Antolk, Velki Sakustum. Ben, l'association Bleunioz Antolk, comme d'habitude. Hein. À Plaire, Vaugrette. Et où ce sera fait? Bâti von Spenquat, vel juste. Oui, et bien sûr, chez von Spenquat, hein, c'est le bistrotier. À Pio Opedet. Et qui sera invité? Conteurien, vel Job Argwen. Oui, des conteurs comme Job Argwen. Zonneurien, vel Vredeur Egarat. Des sonneurs comme les frères Egarat. Canneurien, vel Fanchlas Blaise. Et des chanteurs comme Fanchlas Blaise. Digor, vel Leuren. La scène sera ouverte. Aya, vel Custum. Ah, bah oui, comme d'habitude. Agantampouet, vaut de chacal. Agantampouet, vaut de chacal, oui, j'aime bien ce mot-là. Chacal, il y aura quelque chose à manger. Hein, un peu de nourriture à manger. Ya, arbanarzou, ben, vorouet d'andut. Oui, on donnera une soupe à tout le monde. Zonge le rang et vos pligeades. Je pense qu'il y aura du plaisir. Donnerie, Chanik. Vous viendrez, Chanik. Zurwa. Sans doute. Manévéke Scorn Warnage. Oui, s'il n'y a pas de verglas sur la route. Eh bien, on en reste là. Voilà. C'est parti pour la troisième partie. Juste après, un peu de clarinette. Eri, Petra zo neve arvo. Ben, kalze dra zo neve arvo, pour vej di ouzan. Hag krogon me velkiz a custum, gant elor pour douar hag ervu e war ar mez. Ayon breman lancement, ben, mis huir, men e ke de chuhoaz. Mis huir e huir e bien de l'ar en dung gwejel. De l'ar ade, ur mis a zo ber, me vej a ouve kri. Ga, tiens, je vek de echu mis huir, e vel juz vek de echu ur gwan. À Memestra, Gwelet ve un déjou zo hirat vraiment, à Mondoran ou Arzu en Eve Amzer. Après, si vous Gwelet un dut, bah par Kayer, labourat, trey douar, diaz tey, vil vous presse un douar, vid or un trevadou. C'est-tu Mondoran ou un tuba dans mon Memestra? Prestige vaut, bah, fin de mise, hein, des hauts tiens temps de mise. Meurs vaut, salon de l'arbre d'ouar, bah, Paris. À blanc, l'onde, zo bête d'iba, bah, du boudard, ouézard, salons, zo ver, brise du, à vogouel, bah, tout de scritel, au volac, bah, métro, à l'RL, bah, Paris. Vogouel, ver, brise du, zo ronde fine, zo de bro redon. Hag, bon, zézomad, hein, on tombe bruder, vide zout brise du, hag, zuroir, clem, comme de siroise. Comme ze vekaz, ormar aimant de ze grippe neuned, hein, gant, virus HP menace, Hagebone, Beta Brem, on est que d'œil Beta Brem, Beta Breiz, mais de Ziwal, zo, me srok, hein, virus, ve digas, gane, l'onde gui, gane, gane drit, gane, une de farle. A y'a red Ziwal de ze yir, a de ze hood, y'a de stout, l'onde ferm, hein, vel juste, de ze ne une de ferm. Hagebone, spimeus, me srok, eik de orme, ka, zizo, gual rivin, viden dut. Deux heures politiques, de gomzing, que tard, calz, vejme, peut dire, m'en mesque d'un trou, ag bon jeu, areux, so, vigout, pido, eywar, cador, république, ag bon, et que clair, un trou, ag, oual occupe des politiques, y'en gonzi. Au politico, à Zobirana, venement, Bavro, ou à Pierre-Yvon Trémel. Pierre-Yvon Trémel, zone d'in de Scavan, là, que, nous, à Krog, abri, d'or politique, puis, à et de mer, Bacavan, de Bermla, ou Arnugen. À que, par de Pempla, à Trégon, de Gret politique, RS, ou à Revro. BD, Cusul, général, député, sénateur, il y a Greneuse n'est toute. Mais j'y vois et être réabrite de Nanan, on a des glaçons. Hag, assez au bête d'une bande d'au, au lever, ou à bu et, Pierre-Yvon Trémel, hein, quand, Yvon Richard ne scrive de lever. Pierre, Pierre-Yvon Trémel, un cœur à l'ouvrage. Hag, bon, l'herbe moyen de nouvelles, un temps de spice de secrète. Pierre-Yvon Trémel, ou on dîne, zeber, on dîne, vesson. Hag, gant, daran près du mal, gant tout d'un dut, hag, gant d'un tom de ze vro, à de ze brezon. Je n'en besoin me zbit, daran près du gant temps, hag, estimo, hag, gant tout d'un dut. Hag, Hamelia, souvenir de Pierre-Yvon Trémel, zo bécrou, gant fanche moal, hag, vider un jonge de Pierre-Yvon Trémel. C'est uzo vraiment au lever, hag, Hamelia. Végénom, sur Gontandard, de ce PSVGRED, ou à Rueda de Brezonok, hag, Neveso, zo GRED, au Lérien, Bécédia, vide, la Catro, du Warben, Zévena d'Urbreiz. Bécédia, zo GRED, gand, Strolat BCD, azo Bretagne, culture, diversité. À gaz aux autres ou voir bep sort trou scrive grande tu de skiant noir pep sort ta chez nous voir brace caille tout d'une galag mais trop de vrai raison quand c'était charbonneau à gosse qui paye tu zo cal je trop aux autres dans raison bon puis lui on comme ces en raison les uns voir vidoriez ou gosse que zobé de kinig de ce que gual belzo bah, quand ben député, gandani le Wérouz, de ze Gwengam, de ze député de ze Gwengam, hag, mais ewa de, diouz an de mis gendver, bon, oa ke kalze dud, bah, un des ba breuge, ou un peu dur, oa dek, on est gatru, ben oa, benefin, un des inek kalze dud, hein, mais pewe kom ze deux yez, ou gwas, que te fait que kalze dud, ben breuge, ou gwejebet, a set u vejme, et tramne de, lesen, mais, ne ce que kalze dra, barz, hein, tramne de lesen, mais de, bon, ne vaut que de lac d'un plus, peu dur, ne vaut que d'ambes ordonne beta, camber et gosse, alors, Sénat, un peu soin, ou arrête, tramendre, à plus durement. Bon, un député, un sénateur, il nous aurons, ou à, une vacance, ou vraiment, c'est une voie que, on droit vivement de bénéfice aux Végeoises, quoi. Avec qu'ils accustument, quoi. Bon, ayons, Krog et, abri des rois, mais Krog et Hams repardonnent, n'est-ce pas, nugent de ze vis, jenver, ou à, pardon, un tas de mode, bah, plévine. Puis, durant un tas de mois, ou à mar, un dessin, un léjoir nugen de ze mis, genver pelar in mode, mille ouer quand tri à perrugen, ya, des eaux rogasso, hein, ag, bepla avec red, parlons un tas de mois, ag, blanc me gouille juste un dessin, a yendel, vides en dveltas, ou à même smout, blanc me gouille juste de, zul de, un des en dveltas, ou à pardon, bah, morgor, bah, tremal, gat, balaniscat, pardon, yo, vides en dveltas. Hag bon vegen om sorve kom de zand vel tas pe dure o zan zan an us bit kals boez am ba kreis breiz. Vichon war dachen ur zevena dur Jean Baron ni oa skrive de tri blasso pi per blasso vraiment o lever war i vu e zon hag ar an eus gred o neil lever war mameus dachen war bue o zon ur deus evro. Jean Baron zo an ave mal vel zon ur ben eus bet kel kalz drau gant eus fond barn gant eus no karina mameus. Hag zon eur hag an Christian Annex, hein, bon, an avet mat, bavro. Kom se ve kalz de ze kler, de ze helri ou kelti, ur mar eman, pudur, waler brezel, en ei brezel bid, oa bid, zavet kalz kelri ou disse, pudur, de houls, vijek, de oa ke bra, kom se ze vena dur brez, hag, on e batun, oa jonge, edo, Or trou stroladou vel bagadou pe kel rio keltiek vid klas mir an me mestra an tamm de ze vena dur breiz. Hag bon zer a degla a trug en zo, hein. Setu vo lid blam degla war a trug en vid rostren a vid karez ma meus mod. Hag man klas ke bon tud an eus bet danse da a zonet ba vide strolade ou ça. Dougen Lasso, ma mesmo doit ouabé de lance de strolade babro gallo truc du ridor. Ag blanc men une justement une lit de zé. Ba misienne va raser un dougen diablo. Bon, et vide chu, nahan, l'art et nordière de ce chapel zantouarne, zo baboulvriac, zo bigred au bernla, borwarne, peut dire, wa que quid, mais de sterd ou un trop, peut dire, vorgor, wa hydreuse, wa beret divont, vorgor, halzevel, vraiment, vos moyens d'or. Calzedra, oise, ba chapel zantouarne, au chapel hier, à bras, ou à le dière, et non, ba zantouarne. Bon, c'est une tombe de spessonné vers Vro, Morgane. Non. Hag, tiens, Norvégienne. Qu'est-ce que nous, Eri?